Capable de venir, moi prêt pour moi mourir. qui ça? Ou abandonner Jésus? Qu'est pitié pour moi? Moi prier le matin, moi aller à midi, et moi prier à souhait, moi chercher un secours qui va pas finir, moi prêt. Qui ça? Ou abandonner Jésus? Que pitié pour moi? Ou qui ça?